c'est Wrestles Radio, spécial Next Gen avec Vince. This is the end, my only friend, the end. Bienvenue pour ce nouveau podcast, cette nouvelle émission de Wrestles Radio. On va parler cette fois de NXT TakeOver The End, nouveau special event de la WWE consacré à NXT. Et pour parler de ce show, de la brande jaune, on va accueillir Pierre tout d'abord. Bonsoir Pierre. Avec cette intro, c'est pas la porte que tu vas prendre, mais les portes. Ça commence super bien. Bref. Merci Pierre. Content d'être là. On entend ça. Et j'espère que ton collègue sera est aussi content d'être là que toi. C'est Fred. Salut Fred. Salut à tous. Ouais, moi je suis content d'être là. Moi j'ai pas de problème moi, avec les intros. Vas-y, fais comme tu le sens. Toi t'as pas de problème tant que t'as ton paquet de granola quand t'arrives, c'est impeccable. Ouais, bah là il est fini le paquet de granola donc c'est un peu plus triste. Il faudra l'approvisionner. Ouais, j'ai pas anticipé. Faudra passer à Carrefour. Ou Auchan ou Lidl, ça dépend de tes moyens. Au plus près. Voilà. Donc au programme de ce NXT TakeOver The End, il y avait 5 matchs. Un match pour le titre par équipe NXT, un match pour le titre féminin de NXT, et un match pour le titre majeur, un match en cage. Est-ce qu'il y avait un match que vous attendiez en particulier, Fred? Ouais, surtout le Austin Aries contre Nakamura, parce que c'était un inédit, quoi, deux qu'on connaissait d'avant NXT. Finn Balor, Joe, on l'avait déjà eu, enfin c'est pas la première opposition qu'on a, donc c'était vraiment Aries Nakamura que j'attendais le plus. Pierrot? La même chose. Pour les mêmes raisons à peu près, et enfin pour voir aussi si la hype Nakamura continuait de prendre à NXT, parce que j'avais été sous le charme du catcheur à Dallas et j'espérais la même chose à la Full Sail. Mais tu nous diras tout à l'heure si tu as été déçu ou pas. On va commencer par l'opener du show, les débuts de l'ancien La Sombra à la New Japan ou au Mexique. Les débuts donc d'Andrade Cien Almas face à Ty Dillinger. Ty Dillinger qui avait déjà été l'adversaire de Apollo Crews quand celui-ci avait fait ses débuts à NXT. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On va commencer par Pierrot. Moi je pense que l'arrivée d'Almas est probablement une des plus ratées depuis... Enfin, raté dans le sens où l'aspect du lutteur, son nom, son entrée, tout ça était vraiment trop approximatif, très anticlimatique. Enfin, c'est un anticlimax un peu comme ça. En gros, on te survend un mec comme ça et au final, on te le fait rentrer dans une tenue que beaucoup ont comparé à celle du Godfather. Et au final, le mec se retrouve en face de Ty Dillinger, qui est probablement un des mecs qui a la plus grosse réaction du public. Pour un mec qui perd la majorité de ses matchs, c'est extraordinaire d'être à ce niveau-là de popularité. Surtout que c'est censé être un heel. Donc, quelque part, il loupe un petit peu son rôle, mais c'est. Enfin, le fait qu'il marche beaucoup mieux qu'une arrivée de NXT, c'est assez inédit. En soi, par contre, le match, il est bon, quoi. C'est un très bon opener. Ça met bien la foule en marche pour le show. Mais un peu déçu des débuts, un peu déçu aussi du packaging global du mec. C'est-à-dire que pour moi, il faut repenser le nom, l'entrée, il faut tout repenser pour en faire quelqu'un d'un peu plus attractif. Là, pour moi, s'il continue comme ça, ça n'a pas fonctionné de manière très terrible. Alors que sur le ring, c'est très bien, quoi. Moi, cette tenue m'a fait un peu penser à celle de Noé Rosé, qui a débuté il n'y a pas très longtemps à NXT, mais version show hebdomadaire. D'ailleurs, qu'il y a Noé Rosé qui a une petite popularité, son thème est pas trop mal, mais j'avoue que... Enfin, je vois pas ça dans le main roster, ça me fait un peu penser à Adam Rose qui était aussi très populaire à NXT et puis qu'on a bien vu l'échec que ça a été en main roster. Qu'est-ce que t'as pensé de l'ancien La Sombra, Fred? Bah, moi, je le découvre parce que j'avais pas été assez curieux pour aller regarder ce qu'il faisait avant au Mexique. Bah, sur le ring, enfin, pour les 5 minutes qu'on a vues, c'était rythmé, c'était propre. Il a fait 2-3 trucs originaux, à faire le poirier sur le coin, à se lancer dans les cordes, à rester allongé. Enfin, c'était assez sympa. Ouais, par contre, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Pierre, sur le, que ce soit sur le nom, sur le personnage, en tout cas le costume, c'est pas bon. Enfin, moi, je pense que ça va pas fonctionner sur le long terme. Je sais pas pourquoi ils lui ont mis un nom comme ça à rallonge, alors que la tendance est qu'à ce qu'ils suppriment la moitié des prénoms qui passent dès qu'ils montent dans le grand roster. Sinon, ouais, pas grand chose à dire. Après, Ty Dillinger, ouais, c'est un peu dommage de voir qu'avec la popularité qu'il a, qu'il en est toujours au même point, qu'on lui donne pas un peu plus sa chance. C'est un peu dommage. Ou en tout cas, qu'il n'ait pas une espèce de remontée à la Tyler Breeze, quoi, comme Tyler Breeze avait à NXT, c'est-à-dire que Tyler Breeze, il avait eu sa chance pour le titre. Enfin, il avait un peu touché au match pour les challengers. Certes, la concurrence était moins forte, mais au moins il y avait un produit pur de NXT qui était dans le haut du tableau. Et là, on a tendance un petit peu le laisser de côté, alors que, enfin, vu public son le réclame, ça a l'air bien, quoi. Ouais, en plus, ouais. Ah ouais. Et puis au moins lui donner, j'ai rien qu'une rivalité, parce qu'il a même pas eu de rivalité. À chaque fois, il est là pour un match à droite à gauche, pour au moins une rivalité ou un truc, c'est au moins pour essayer. Après Dallas, il avait fait un match avec Shinsuke Nakamura qui avait été plus de l'ordre, on va dire, du décrassage, parce que c'était juste le lendemain. Non, c'était juste après, je crois, NXT TakeOver Dallas, vu qu'ils enregistraient dans la même salle. Et enfin, du coup, c'était un peu une espèce de décrassage. Et là aussi, l'ambiance a été plutôt cool. Et enfin, globalement, je reproche ça de l'avoir mis face à Almas, du coup, et que finalement ce soit pour rien en faire, en fait. C'est juste pour avoir un jobber de luxe et une ambiance sympa pour l'opener. Ouais. Et en c'est plus dommage. Et en plus de rien en faire, bah, c'est mauvais pour Cien Almas, parce que forcément, la foule peut pas être derrière lui vu la popularité de Dillinger. Enfin, c'était un très mauvais choix. Là-dessus, je te rejoins. Par contre, je serais moins sceptique que toi sur le fait que sur le long terme, ça va forcément échouer. C'est possible que ça marche. Je pense qu'ils feront quelques modifications sur le personnage. Je pense qu'ils vont, en fait, ils tâtent le terrain, quoi. Clairement, enfin, ils savent pas exactement ce qu'ils vont en faire. C'est pas comme des Shinsuke Nakamura qui ont déjà leur personnalité. C'est un mec qui doit se recréer entièrement, parce que ben avant il avait son masque et maintenant il doit faire sans. C'est quand même quelque chose de très difficile pour un catcheur de changer d'état comme ça, surtout pour un luchador. Et du coup, ben, il va y avoir forcément un temps d'adaptation, quoi. Ouais, mais enfin, je trouve que bon et. Ah ouais, le nom. Quand j'ai vu ça sortir, j'ai pas compris ce qu'il voulait en faire. Et ouais, le costume aussi, quoi. Après, On pourrait me le dire 10 fois, le nom d'affilée, je l'aurais pas retenu. J'arrive à dire que son dernier nom, et enfin, je sais qu'il y a Sien qui est là, enfin ouais. Voilà, mais genre le dire en entier comme ça, je saurais pas vous le dire, quoi. Ouais. Il faudrait que j'ai une fiche devant moi et tout, et que je vous le lise comme ça, mais enfin, c'est dommage, quoi. Il faut que le nom soit marquant, faut le retenir, et du coup, ça, c'est un petit peu loupé, quoi. Ouais. D'ailleurs, on ne l'a pas mentionné, mais c'est évidemment Almas qui a gagné en 5 minutes 22 avec un genre de double coup de genou dans le coin qui n'était pas trop mal, mais c'est vrai que... C'est un running knees, hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un peu... j'ai l'impression que c'est quand même un peu toujours le même format, les débuts en squash comme ça. Tu vois 2-3 prises, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu dommage, quoi. C'est là que Shinsuke Nakamura s'était bien, bien démarqué. Même si c'est pas le même type de début. Voilà, tout le monde ne s'appelle pas le King of Song Style. D'ailleurs, on va pas parler maintenant du match de Nakamura, mais on va passer au match féminin entre Asuka et Nia Jax. Asuka qui a conservé son titre de championne NXT en 9 minutes 12 secondes. Est-ce que vous êtes satisfait de ce match? D'habitude, les matchs féminins dans les takeovers, c'est les meilleurs matchs de la soirée. Est-ce que là, vous étiez satisfait d'un match entre Nia Jax qui revient un peu de loin? Elle a vu un match l'an dernier contre Belle pour le titre. Elle n'avait pas remporté ce match. Asuka qui a été championne qui est champion depuis le WrestleMania Weekend. Pierrot? Déçu un peu parce que par rapport au match qu'elle avait eu justement face à Bayley à Londres, c'était mieux. Et en fait, ils ont voulu toujours vendre Asuka comme étant supérieure, enfin supérieure, comment dire, sur le ring, alors que c'est quand même une configuration qui est très difficile quand la différence de gabarit est si importante. Et je trouve que justement Nia Jax a été meilleure à Londres parce qu'elle avait eu le match en main. Et là, elle a dû le laisser à Asuka et ça s'est senti qu'il y avait des hésitations un petit peu. Et pareil pour le final sur la série de coups de pied. J'ai trouvé ça très rapide et du coup j'étais un peu surpris. Et je me dis qu'en fait la confrontation n'a pas montré son plein potentiel. Et qu'elle aurait pu être bien meilleure. Et ça reste un match qui se regarde, quoi. Mais dans les standards de NXT, y a une baisse de niveau, quoi. Par rapport à l'habitude. C'est pas grave, mais il faudrait pas que ce soit récurrent, quoi. Moi, je trouve que Nia Jax est encore assez green dans le ring. Je sais pas si t'es de ce même avis, Fred. Bah, c'est sûr que par rapport à ce qu'on a été habitué en match féminin à NXT, c'est un peu compliqué avec tous les départs qu'il y a eu. Après, je suis pas déçu parce que j'en attendais pas énormément de ce match. Moi, je trouve que Nia Jax progresse. On n'a pas vu beaucoup de matchs longs malgré tout, à part celui que tu as mentionné face à Bayley à Londres. Sur les matchs longs qui durent à peu près 10 minutes, quoi, au moins. Je trouve qu'elle progresse. J'ai trouvé le match assez rythmé, assez intense, brutal un peu, même par moments. J'ai trouvé qu'elle se donnait bien. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est une opposition de style assez réussie. Voilà, je serais un peu moins dur que vous, je pense. Mais pour contraster un petit peu, pour nuancer un petit peu mon propos, j'apprécie beaucoup Nia Jax. Je trouve que la personnalité globale est très bonne. Et le fait qu'elle ait un physique différent de toutes les superstars féminines, qu'elle ait sa tenue de ring vraiment spécifique, comme ça, tout noir, etc. C'est à la fois un peu, comment dire, la successeuse de Karama, j'ai envie de dire, même si je remonte un petit peu à des débuts spécifiques, quoi. Enfin, Karma, c'était un passage un peu éclair et pourtant très marquant de la section féminine de la WWE. Mais, Karma, c'est Awesome Kong, avant, oui. Il me semble. Voilà. Pour ceux qui la connaîtraient plus de la TNA. Et du coup, je trouve que Nia Jax, le fait qu'elle a un physique à part, qu'elle ait une attitude à part, ça rend son côté monster heel assez sympathique et en même temps très nonchalant. Et je trouve ça très, très cool. Et j'aime beaucoup le personnage. Ouais, je trouve qu'elle le joue bien aussi. Et puis, bah, c'est vrai que gabarit féminin comme ça, on n'en a pas beaucoup. Donc, j'aime bien aussi les oppositions un peu différentes. Ça nous change de temps en temps. Et quand c'est réussi, c'est sympa. Vous voyez qui en prochaine Challengers du titre, Pierrot ? Potentiellement, ils vont sûrement faire un match avec Bayley. Je pense qu'il y aura la revanche Asuka Bayley. Peut-être un triple threat. Je ne sais pas s'ils continuent à mettre Nia Jax dedans. C'est possible, c'est une possibilité. Mais principalement, je pense que Bayley va prendre une dernière fois sa chance pour reprendre le titre féminin de NXT. Et surtout que Brooklyn, c'était le temple du meilleur match de l'année dernière. Donc voilà. Entre Bayley et puis Sasha Banks. Bah, moi je trouve que de toute façon il n'y en a pas 50 possibilités. Peut-être Alexa Bliss qui avait été qui est un peu laissée de côté et qui commence à être là depuis un certain temps, qui pourrait avoir un peu sa chance. Sinon les autres qui sont un peu mises en avant, style Carmella est pas prête du tout. J'en avais une autre en tête mais je l'ai perdue. Alexa Bliss ou ouais, la revanche face à Bayley, mais il va falloir vite en sortir une du lot parce que ça traîne un peu. En tout cas, nous on va pas s'éterniser sur ce match féminin, je pense qu'on en a assez parlé. On va plutôt passer au match par équipe pour les titres par équipe de NXT. entre The Revival, Scott Dawson et Dash Ryder face à American Alpha, Jason Jordan et Chad Gable. Donc c'est un match en revanche, de, si je ne me trompe pas, de NXT TakeOver Dallas. American Alpha avait remporté les titres à Dallas, et là, ben, ils ont perdu les titres face à The Revival, avec, après le match, une attaque de deux inconnus notoires, c'est pas des, des stars de l'indie. Alors j'avais le nom sous les yeux, et c'est assez compliqué à dire, ils vont sûrement changer de nom peut-être. Xim Selmani et Sonny Dissa, qui sont managés par le Hall of Famer Paul Herring, le, l'ancien manager de, des Road Warriors, ou Legend of Doom, ça dépend quel nom vous préférez. On va d'abord parler du match, qu'est-ce que vous avez pensé, Fred? Très très bon match, excellent. C'est le match que j'ai au final le plus aimé du show. Donc bah, j'avoue que je l'attendais un peu parce qu'American Alpha, bah, depuis maintenant pas mal de mois, ils sont bien populaires, ils font des trucs vraiment sympas. Et puis bah, le match a été excellent, mais j'avais trouvé le premier affrontement entre les deux équipes bon. Et je l'ai trouvé encore meilleur. Et Revival est très bon aussi, surtout enfin, j'ai trouvé Scott Dawson vraiment excellent. Donc bah, c'est vrai que quand un match est très bon, j'ai du mal à en dire beaucoup de choses, mais c'est un des meilleurs matchs par équipe, je pense, que j'ai vu à NXT. Je suis totalement d'accord avec toi, quoi. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. De loin, et c'est surtout un des meilleurs matchs tag team qu'on a eu depuis un moment, parce que c'est très très bon in ring. Il y a des mecs qui se connaissent très bien, qui ont fait du coup plusieurs matchs ensemble, on sent qu'il y a une bonne complicité sur le ring, qui comprennent bien les moments où il faut un petit peu doser, où il faut mettre quelqu'un en situation de face en péril, etc. Les échanges de domination, enfin, c'est tout un dosage spécifique au tag team que les deux équipes ont vraiment très bien compris. Et on ajoute à cela une qualité technique vraiment très bonne. C'est vraiment un des meilleurs matchs tag team qu'il y a eu depuis le début de NXT, quoi, vraiment. Je suis très content que Revival reprenne les titres, parce que j'avais peur qu'ils fassent juste, qu'ils se fassent juste enterrer, en fait. Alors que je trouve les personnages, je trouve l'équipe intéressante. Les personnages n'ont rien de particulier, quoi. Mais l'équipe est intéressante, les catcheurs ont une bonne gueule de heel, et du coup, ça marche bien. Et je pense vraiment qu'un troisième match entre les deux, avec peut-être une stipulation, ça peut être vraiment cool. Et ajouter encore une dimension à deux matchs, après deux matchs qui étaient déjà vraiment excellents, quoi. Dallas et celui-ci, les deux équipes sont vraiment un niveau au-dessus en termes de tout ce qui est équipe tag team, quoi. En qualité technique in-ring, en tout cas, ils sont au-dessus, quoi. C'est vrai qu'il y a une fluidité dans le match. Il n'y a aucun moment de mou. Je trouve que Scott Dawson est vraiment impressionnant. Ça fait un moment qu'il est avec NXT et je trouve qu'il a pris de l'expérience. C'est vraiment impressionnant. Lui et Gable, qui font énormément de travail pour leur équipe, sont super, quoi. Les matchs me font penser un peu aux matchs par équipe qu'on avait à SmackDown dans les années 2003-2004. Par exemple, les Los Guerreros contre Benjamin et Charlie Haas, ou enfin ce genre de match était avec deux équipes qui s'entendaient vraiment bien et qui assez technique et avec un rythme assez soutenu. Ça me fait assez penser à ce genre de match. Ouais, alors que actuellement à la WWE, on remarque que c'est pas forcément, la division tag team renaît surtout d'un style un petit peu plus à la New Age Outlaw, c'est-à-dire des équipes avec une grosse gimmick, des personnages vraiment centrés sur le temps de parole et sur des gimmicks vraiment excentriques, quoi, et très très basés sur les entrées, etc., quoi. L'entrée de New Day, c'est vraiment centré sur un truc récurrent. Pareil pour Soft. qui ont une entrée qui est vraiment presque identique à celle des New Age Outlaws sur le principe, quoi. Et du coup, c'est bon de voir aussi qu'il y a des équipes techniques qui vont ressortir, et c'est de bon augure surtout pour le futur de la division, surtout quand on voit toutes les équipes qui ressortent avec des styles différents. Ça veut dire que ben, les matchs qui vont arriver dans les années à venir vont être vraiment différents, qu'il y aura du challenge, et c'est vraiment ce dont la WWE a besoin, c'est-à-dire une division tag team solide. C'était les deux gros chantiers avec celui de la division féminine. La division féminine et la division tag team avaient besoin vraiment d'un gros chamboulement. Ils sont en train de le faire et c'est vraiment ça qui est bien, quoi. Oui, il y a du potentiel en division tag team. Par contre, les deux espèces de terroristes mexicains là, qui sont intervenus à la fin, ils m'ont pas du tout donné envie de les voir là, ceux qui ont des noms imprononçables. Et il y avait un truc à dire sur le manager qui est un ancien connu, mais alors moi j'ai pas connu, donc je sais pas si quelqu'un a des infos dessus. Et c'est Paul Ellering. tout simplement un Hall of Famer de la 2-2 depuis 2011. C'est l'ancien, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ancien manager des Road Warriors. C'est vrai qu'il n'est pas très connu des fans, on va dire, récents, parce que contrairement à des anciennes légendes comme, je sais pas moi, merde. Paul Comme, Bearer. contrairement par exemple à Paul Bearer qui a fait plusieurs apparitions dans les années 2010, 2000-2010, bah, malheureusement pour les rings, à part son intronisation, on l'a pas trop vu. Alors il avait une marionnette caractéristique quand il manageait les Road Warriors. C'était assez fun. Il est assez charismatique, je pense qu'on l'a vu. Son visage était assez impressionnant. Son regard surtout hein, était assez impressionnant. Sérieux, Mastodonte, pour l'instant, on ne peut pas trop avoir un avis parce que c'est juste une attaque. Mais pourquoi pas, l'Ascension a bien marché à NXT. La comparaison sur Internet avec D'Lo Brown est quand même très légitime, parce que les mecs manquent un peu de charisme. Par contre, y a-t-il une corrélation entre le fait de s'appeler Paul et de devenir manager légendaire à la WWE? Parce que, enfin, Paul Bearer, Paul Heyman, Paul Ellering, ça commence à faire beaucoup. Je crie au complot. Voilà, c'était l'instant bide. Donc c'est sur cette vanne ratée qu'on va passer au match de Shinsuke Nakamura, un match décrit comme un match de rêve, un dream match contre Austin Aries, match scellé par le General Manager William Regal, un match qui a quand même duré 17 minutes 5 secondes, avec la victoire de Shinsuke Nakamura. Alors c'était pas annoncé comme un match de challenger numéro 1, mais c'était un peu quand même le cas. Celui qui gagnait avançait fortement vers la title picture. Est-ce que le match a... comment dire? A été à la hauteur des attentes, Fred. À la hauteur des attentes, ben non, du coup, parce que les attentes étaient élevées, comme on l'a dit au début. Et bon, le match est bon quand même, mais j'en attendais plus. J'ai pas relevé de spots qui m'ont marqué. J'ai trouvé, même si le début et la fin sont pas mauvaises, une petite domination au milieu de Aries que j'ai trouvé un peu lente. J'ai pas trouvé une alchimie excellente entre les deux. Et à la fin, pareil, Aries qui se suicide un peu tout seul dans les barricades là pour finir. J'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit pas un move réussi de quelqu'un qui conclut, même si Nakamura met son finish derrière. J'ai trouvé ça un peu dommage pour conclure. Je pense que je suis à peu près dans le même état que toi, même si je trouve que le match a été bon. L'aura de Shinsuke Nakamura est extraordinaire. Le public qui reprend son theme song, globalement tout ce qui est, enfin tout ce qui est autour du personnage est presque parfait, quoi. C'est vraiment quelqu'un dont tu sens qu'il arrivait à maturité avec son personnage, quoi. Et, bon, il a 36 ans, je crois. Du coup, c'est un peu logique que son personnage soit déjà assis et bien travaillé. Mais je pense vraiment que ça peut devenir, en un rien de temps, une des grosses stars de NXT. Peut-être même déjà le cas, en fait. Oui, Et, c'est déjà le cas. enfin, voilà, quoi. C'est. Je vois même, enfin, ce genre de personnage dans le même roster, c'est tellement particulier. C'est-à-dire, tu l'envoies à Raw ou SmackDown, ça peut être tellement énorme. Bon, enfin, au lieu d'extrapoler, je vais peut-être revenir sur le match. Je pense aussi, je pense comme toi qu'il y a eu moins d'atomes crochus entre Harry et puis Nakamura qu'entre Nakamura et Zayn, ce qui faisait que le premier match a été vraiment vraiment une bombe quoi. C'est pour ça qu'on Et avait beaucoup d'attentes derrière. ouais, je pense que du coup c'est un mal pour un bien que ce que le premier enfin que le premier match ait été aussi bon, ça a créé des attentes vraiment excessives et il faut s'attendre à ce qu'il y ait des matchs de Nakamura qui soient plus de cet ordre-là, c'est-à-dire un match honnête qui est entre deux catcheurs qui n'ont pas forcément une fluidité entre deux et qui ont préféré construire une histoire en fait qui est beaucoup plus basée sur le taunt entre les deux, c'est-à-dire ils se sont pas mal provoqués, c'était un peu celui qui frappe le plus fort avec des techniques un petit peu pour affaiblir l'adversaire. C'était un peu moins un show match en fait que le premier match de Nakamura et du coup c'était peut-être ça qui a fait un peu perdre le match en qualité. Mais enfin, en dehors de ça, ça reste un bon match et Nakamura, on continue d'attendre la suite très impatiemment quoi. Et surtout, c'est pas une défaite non plus qui affaiblit Harry's et je pense que Harry va pouvoir se trouver une première vraie rivalité d'ordre plus massif. C'est-à-dire que, encore une fois, enfin, la rivalité avec Nakamura est déjà plus consistante que ce qu'il a eu avant, mais je pense qu'il a besoin d'avoir encore une étape supérieure, quoi. Et dans cet ordre-là, je pense que l'arrivée de Bobby Roode va être assez intéressante à suivre. Je trouve toujours des bonnes promos micro parce que j'ai évidemment j'ai regardé la vidéo promotionnelle du match juste avant bah justement juste avant le match et je trouve que même quand on lui donne pas forcément une rivalité intéressante il arrive toujours dans sa promo à donner quelque chose d'intéressant dans le teasing du match en fait je sais pas si vous êtes d'accord mais Ouais, si, franchement, je pense qu'au micro, c'est un des mecs avec le plus de potentiel dans le roster de NXT. Bon, les plus gros parleurs sont partis depuis un moment, genre Kevin Owens, qui avait peut-être le potentiel de rivaliser, est déjà dans le main roster depuis plus d'un an. Mais là, ouais, Harry's, ça va être un gros, gros morceau au micro, quoi. Ouais, je pense aussi. Après, c'est vrai que je le connais pas trop, donc j'attends de voir encore un peu pour me positionner. Mais bon, ce qu'il a montré pour l'instant, ouais, c'est bon. Oui, je ne peux que conseiller son match à destination 2012 à la TNA contre Bobby Roode, qui a été pour moi à l'époque un mark moment. J'avoue, j'avais bien marqué sur ce moment où Harry's, bon, je vais pas spoiler le résultat, mais où Harry's fait une grosse prestation. On va peut-être passer. À noter que Bobby Roode a fait une apparition éclair, on l'a vu passer derrière en coulisses. Et apparemment, les commentateurs. Corey Graves et Tom Fist n'étaient pas du tout au courant. Et je sais pas si Triple H en a parlé dans son live Facebook, mais parce qu'il a pas l'air d'avoir eu beaucoup d'infos dans ce live, mais on verra dans les prochaines semaines si Eric Young et Bobby Roode signent à NXT. Et d'ailleurs, les rumeurs disent que Tommy End devrait prochainement arriver aussi à Orlando. Il a encore quelques dates à la WXW au mois d'août, ou au mois de juillet, je ne sais plus, enfin bref, cet été. Et il y a aussi Moose, je ne sais pas comment on prononce, l'ancien footballeur qui est depuis quelques années à la Ring of Honor et qui quitte la Ring of Honor et du coup va sûrement prochainement signer à NXT. Donc encore des stars de l'indie qui pourraient faire plaisir aux fans du show jaune. Est-ce qu'on peut Quand passer même, au. t'es très poli, Vincent, parce que je me rends compte que tu viens de ne pas spoiler un match de 2012. Enfin, c'est genre, c'est l'extrême politesse d'un homme, quoi. Ça fait 4 ans. Oui, mais je suis quelqu'un de très poli. On sait jamais, c'est la TNA, il y a forcément des fans qui n'ont jamais vu ce match. Oui. Et C'est good ça guy. donne plus, ça donne plus envie de le regarder comme ça. Il y a Good du guy Vincent, tu suspense. vois, c'est good guy Vincent, Ouais, l'animateur c'est ma gimmick. gentil. Est-ce qu'on peut passer au main event? Oui, allons-y. Le main event, premier match en cage de l'histoire de NXT. C'est pas la première fois qu'on a un match à stipulation extrême. Il y avait eu un match de l'échelle entre Bo Dallas et Neville il y a quelques années. Ça remonte un petit peu. Et aussi hein, entre Kevin Owens Finn Balor. et puis Finn Balor, ouais. C'était à Brooklyn, je crois. À Brooklyn, ouais. Voilà. Et donc, premier match en cage. Une cage qui a été assez vite installée, d'ailleurs. Point technique du show, de l'émission. C'est le troisième match, le troisième opposition entre Samoa Joe et Finn Balor en takeover. Est-ce que ça a été le match de trop pour vous? Est-ce que c'est le bon match pour conclure la rivalité et envoyer Finn Balor dans le main roster? On va passer la parole à Pierrot. J'ai eu des problèmes avec ce match, pas sur le fait qu'il existe, parce que bon, je pense que la rivalité était assez consistante. Elle n'était pas forcément. Enfin, c'est sûr qu'il n'y avait pas une hype de folie. Ça n'a pas rivalisé avec la série. Enfin, pour moi, la série de matchs entre Kevin Owens et Sami Zayn, par exemple, est toujours devant. C'est bien d'avoir eu ce troisième match, de l'avoir eu en cage, parce que ça a permis en fait de vraiment mettre le personnage de Balor sous d'autres feux, c'est-à-dire le personnage du démon a eu quand même pas mal de défis à affronter. Et du coup, là, quand même, Finn Balor a subi sa première défaite sous le personnage du démon, c'est-à-dire avec tout son maquillage, etc. Et c'est assez impressionnant de voir ça, c'est-à-dire que, enfin, donner une première défaite à cette espèce de Super Saiyan, en fait, c'est un peu son mode Super Saiyan, quoi, le démon. Et ouais, ça marque peut-être la fameuse fin aussi que voulait souligner ce takeover. Et ouais, c'est peut-être le lancement de. Enfin, c'est la fin de Finn Balor à NXT, mais sûrement le lancement ailleurs. Il y aura un petit temps où il va peut-être disparaître ou quoi. Et ça permet aussi d'asseoir Samoa Joe en tant que monster heel principal du show NXT. J'aime bien Samoa Joe, je ne l'ai pas autant connu que par exemple toi, Vincent, avant son arrivée à la WWE. Et du coup, enfin, j'aime vraiment son style in-ring. Je trouve ça cool. Même s'il dépend un petit peu. En fait, ce genre de catcheur dépend peut-être un peu de son adversaire. C'est peut-être qu'il peut moins porter un match par lui-même, mais c'est peut-être aussi parce que je le connais moins que je dis ça. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Après, bon, le mec a tellement d'expérience que voilà. Bon, je parle peut-être en l'air. Mais sinon, les reproches que j'aurais à faire à ce match, c'est la réalisation. C'est-à-dire que la manière dont ça a été filmé, ça m'a gêné. Je trouvais que la cage avait gêné la réalisation du match. Je trouvais pas ça bien filmé. Et du coup, c'est dommage parce que le in-ring a été correct. C'est probablement le meilleur des trois matchs entre Samoa Joe et Finn Balor. Même si, enfin, le premier est peut-être meilleur que celui-là, mais enfin, ça joue à pas grand-chose. Et voilà. Je trouve que le match a été assez court pour ne pas être trop redondant et pour ne pas tomber dans les clichés du match en cage. Et du coup, c'était vraiment ça qui était bien. Mais ouais, en dehors de ça, il y a juste la réalisation qui m'a vraiment frustré. Mais sinon, c'était un bon match, quoi. J'ai trouvé le match assez bon aussi, mais bah, pareil, comme le match précédent, j'avais pas mal d'attentes du fait du premier match en cage. Je me suis dit qu'ils allaient se lâcher pas mal, tenter des choses. Du coup, j'avais de l'attente et j'étais un peu déçu. Le match est bon, mais bon, c'est vrai que c'est le troisième. La cage a été un peu utilisée, mais pas sur des spots très marquants. Donc, j'ai pas trouvé son utilisation très très utile. Plus ça paraissait. Enfin, c'est le format petit, quoi, du coup, pour le ring d'NXT. Du coup, ça fait une petite cage, ça paraît un peu ridicule, mais bon. Une cage ou nette. Voilà, une cage ou nette, c'est bien. le match est bon, mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on avait en mémoire parce que c'était récent. Et bon, c'est peut-être pas le match de trop, mais s'il devait y en avoir un autre, ça le serait. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir passer aux notes. Et avant les notes, le MVP pour vous de la soirée. Très, très rapidement quand même, Fred. Ben, je vais en mettre deux du coup. Ben, je vais mettre Dash et Dawson. Parce que parce qu'ils ont gagné, quoi. J'aurais pu mettre Chad Gable et Jason Jordan, mais c'est le match que j'ai le plus aimé, qui m'a le plus surpris par le travail d'équipe, et du coup, c'est eux que je mets en MVP. Moi, je vais surprendre et je vais mettre Ty Dillinger, parce qu'avoir une popularité pareille, avec la bonne attitude et permettre quand même de perdre. enfin, ne pas se plaindre de se coucher et de laisser un mec qui vient d'arriver te battre. Je trouve que c'est honorable et en fait, ce statut de jobber de luxe, franchement, faut le mettre en avant parce que bah, c'est un rôle ingrat et c'est un rôle qu'il remplit à la perfection, à la perfection 10 sur 10, quoi. Voilà. On va pas en faire des tonnes dessus, je pense que c'est les débuts de Andrade Sin Almas, non? Ouais, parce que ben le reste, ouais, malheureusement, ouais, c'est lui, quoi. dans un show pareil, en fait, c'est pas quelque chose d'ingrat d'être le plus mauvais dans un show pareil, quoi. Enfin, les takeovers sont tellement bons que d'être le moins bon de ce genre de soirée, c'est pas trop grave, quoi. Surtout quand même sur le ring, t'as été bon. Donc du coup, c'est juste des soucis d'approximation et de réglage, quoi. C'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du deal. Ouais, y a pas eu de mauvais, ouais, y a eu peut-être des moins bons, mais bon, c'est voilà. Le moins bon. Le moins bon, ouais, c'est difficile. Dans Less ce valuable player, c'est la traduction littérale. C'est... Je vais dire Finn Bálor. Parce que pour la première fois depuis qu'il est arrivé à NXT, bah, il va être écarté du titre, du coup, puisqu'il ne l'a pas récupéré et que c'est probablement la fin de la rivalité. Et du coup, bah, à voir ce qu'ils ont prévu pour lui. Mais c'est la première fois qu'il descend. Il avait fait que monter jusque-là. C'est peut-être une redescente pour mieux rebondir, parce que bah, justement... Ce genre de défaite, ça peut te permettre de recréer un peu ton personnage. Et c'est peut-être ce dont il avait un peu besoin. Parce que le côté « je sors le démon, du coup je vais gagner », au bout d'un moment, je comprends que ça puisse laisser les gens, quoi. L'avenir nous le dira. Et l'avenir va nous dire que quel note vous allez mettre à ce special event NXT TakeOver The End. Fred ? Je vais mettre 7,5 parce qu'il était bon malgré tout, il n'y a pas de point faible et il y a un gros point fort qui est le match par équipe. Moi je vais mettre 8 parce que je trouve que le show a en plus une bonne symbolique. Enfin, le côté The End of Beginning, le fait que, en fait, of the beginning, le fait que la WWE ait eu envie de mettre un sens à ce show, je trouve que c'est un effort qui est saluable. Et bon, le show est très bon grâce à ce match par équipe et aussi grâce au fait qu'ils aient plein de mecs vraiment très bons. Enfin, vraiment, il y a vraiment un roster de rêve à NXT que Raw ou SmackDown vont envier, quoi. Et du coup, c'est ça qui est bien. Et du coup, ouais, le fait qu'il y ait en plus une symbolique à la fin de Baylor, au fait que bah, maintenant NXT c'est quelque chose qui fait partie des meubles, bah, ça ajoute au show et je pense que 8 c'est une très bonne note. Moi, et toi, Vincent? Oui, parce que j'ai vu le show, mais comme Pierre aime me faire dans les monologues, j'évite de trop parler. Je vais mettre plutôt un 7 parce que c'est vrai que le show est bon, il n'y a pas grand chose à ajouter, mais j'ai pas trouvé. On va dire que j'ai pas été investi émotionnellement autant que par exemple pour celui de Dallas, quoi. Donc, ouais, plutôt un 7. Du coup, j'ai pas fait exprès, mais ça fait une moyenne de 7,5. Hein. Moyenne, c'est ça. Moyenne très très très correcte, puisque généralement on recommande les shows quand c'est au-dessus de 6. Donc là, on vous recommande de voir ce NXT TakeOver The End avec en priorité, je pense, le match par équipe et le match Ken Nakamura contre Austin Aries. Tu sais, Vincent, j'étais animateur, je connais les magouilles pour faire en sorte que la note soit tout pile. Non, pour pas avoir de calcul à faire. Vraiment, franchement, j'avais. Je les connais. Vraiment, franchement, j'avais réfléchi avant le podcast. Je me m'étais dit à la base 6,5. Mais je me suis dit 6,5, c'est un peu bas quand même, parce qu'il n'y a pas un seul match mauvais. Même si le match féminin et le match l'opener sont pas non plus marquants. Il n'y a rien de mauvais, quoi. Il n'y a pas un seul truc inutile. On va plutôt. Enfin, avant de conclure, on va parler un petit peu du. pas l'annonce, parce que c'est pas une annonce, mais Triple H a plus ou moins sous-entendu que quand il y aura le draft pour la séparation des rosters entre Raw et SmackDown, quand SmackDown va passer en direct, c'est-à-dire au mois de juillet, je n'ai plus la date exacte en tête, je vais la retrouver pendant que vous allez voir. C'est le 19. Le 19, bah voilà. Merci Pierre. T'es pas animateur pour rien. Enfin, Et je suis animateur pas rédacteur chez Voxcatch pour rien. Aussi. Coucou Voxcatch partenaire. Donc oui, que NXT allait être forcément impliqué là-dedans et que NXT a son propre... c'est un peu comme maintenant la troisième division de la W2 et plus la division du centre de développement. Est-ce qu'on peut vraiment avoir... est-ce qu'on peut avoir peur pour NXT dans le sens où il va encore y avoir un raid de catcheurs qui vont partir en main roster, sachant qu'il y en a déjà pas mal qui sont partis dans les derniers mois? Ou est-ce qu'on peut être content que certains vont passer à SmackDown et vont avoir du temps d'antenne puisque les rosters seront séparés, puisque apparemment, enfin, il y a des discussions entre la chaîne USA Network, entre la chaîne et la W2 pour passer un SmackDown de 3 heures. Oh là là. Est-ce que quel est votre avis là-dessus, Pierrot? C'est un drame. SmackDown à 3 heures, c'est un drame. Oui, ça on est bien d'accord. Voilà, mais en dehors de ça, sinon, je trouve pas que ce soit dramatique que NXT fasse partie du brand split, au contraire, parce que, en fait, le show a une spécificité à lui, et c'était un peu impliqué dans, enfin, comment dire, sous-entendu dans la thématique du show, de dire que c'était la fin du début. C'est, enfin, maintenant, c'est bon, NXT, c'est plus un truc de développement, c'est vraiment un show à part entière avec ses propre code, parce que quelque part le public de NXT n'est pas celui de Raw et SmackDown, et du coup bah, en termes d'identité NXT a déjà plus de légitimité à faire partie du brand split que SmackDown, parce que SmackDown en termes de caractère avant ça avait une certaine force, depuis sa création ça avait créé une certaine identité SmackDown, et au fur et à mesure ça avait baissé, et c'est pour ça qu'ils avaient arrêté un petit peu la séparation des brands. Mais là, maintenant, l'envie, c'est de recréer une identité à SmackDown. Et NXT a déjà cette identité. Et du coup, bah, l'inclure au brand split, je pense que c'est logique. Et je crains pas trop pour le show en lui-même, parce que je pense que la WWE va garder cette espèce de côté territoire de développement quand même, quoi, parce que... Enfin, de garder des catcheurs un peu spécifiques et de pas tous les envoyer à Raw ou à SmackDown, ce serait au mieux, ce serait abusé, et au pire, ce serait vraiment de la folie. Et je vois pas NXT devenir le nouvel ECW, quoi. Ça va pas être le show poubelle où on va mettre ceux dont on veut plus, ou tous les nouveaux qui viennent sortir du Performance Center, quoi. Ça va pas être ça. Ouais, j'avoue que pour revenir sur les 3 heures de SmackDown, ça fait pas rêver. Ils auraient mieux fait de rajouter une heure à NXT, ça aurait été plus sympa. Ou enlever une heure à Raw. Ouais. Bon, s'ils veulent rajouter quelque part, ils peuvent le rajouter à NXT. Il y a quand même pas mal de talents qui attendent d'avoir leur preuve à faire. Et après, pour revenir sur le SmackDown qui va reprendre un peu de punch là, parce que là c'est vrai que pour l'instant on a l'impression qu'il loue des lutteurs d'Euro occasionnels, et puis c'est tout ce qui se passe. J'espère juste que que NXT va pas être complètement dépouillé et à voir s'il va y avoir des trajets inverses, comme on a pu en voir certains qui revenaient vers NXT, ceux qui veulent éventuellement être relancés ou qui ont besoin de repasser un peu par la case personnage à renforcer. Bah c'est d'ailleurs, il y avait Adrien Neville dans le public, je pense que ça va être un des mecs qui va faire le trajet inverse. Ouais, c'est possible. Parce que je pense que ça va être un des principaux, on va dire, déjà pour son retour, le fait qu'il revienne et que tout de suite il soit renvoyé à NXT, ça va être... Enfin, ça va être spécial, mais je pense qu'il en a besoin et ça peut redevenir une figure principale du show. Ça ferait du bien à NXT comme à lui, donc ouais, c'est ouais. Dans les deux sens. C'est clair. Et sinon, je pense qu'il y en aura plusieurs qui vont faire le sens inverse. Apollo Crews en aurait besoin, parce que son lancement à Raw est catastrophique. Enfin, il y a des mecs comme ça qui pourraient faire ça. Et même des mecs un peu plus implantés depuis un moment, quoi. Ce serait genre voir un mec qui est là depuis 5-6 ans à la WWE et qui a été là avant que NXT existe, arriver à NXT, ce serait intéressant, quoi. Voir le mec, le catcheur bien, on va dire. Comment dire, c'est le mec qui a vraiment ses bases à la WWE, qui arrive dans un univers totalement différent et qui dit en gros, ouais, moi je suis meilleur que vous parce que bah, j'étais déjà dans les gros shows. Ouais. Ce serait basique, mais ce serait bien, quoi. On a eu Ryder qui est revenu après pas mal de temps à la WWE, même s'il s'en vantait pas et qu'il se mettait pas au-dessus. Ah ouais, non. Mais ouais, ça pourrait être intéressant à voir si les bookers auront des idées comme ça ou des idées de merde. Merci de pas faire entrer mon idée dans les idées de merde, ça fait plaisir. Non, ça pourrait être intéressant. Mais à voir avec qui, après, s'ils veulent relancer Primo et Pico aussi, qu'on fait un match et qu'on redisparu, c'est quand même exceptionnel. En même temps, enfin, les mecs, c'était quoi cette chimique? Heureusement que les renvois ont eu lieu avant qu'ils ressortent la nouvelle gimmick, parce que ça aurait été Ouf! 2 semaines après, ils y passaient. Ouais, je pense aussi. En tout cas, on a le temps d'ici les débuts en direct le 19 juillet. Les débuts en direct de SmackDown le mardi 19 juillet, de parler des possibles arrivées à SmackDown et des retours à NXT. Donc je pense qu'on fera peut-être un SMSTP dessus, on verra si notre emploi du temps nous le permet. On vous dit à bientôt, on vous dit déjà, on vous donne déjà rendez-vous pour le podcast sur Money in the Bank. Money in the Bank qui est le 19 juin, donc dans à peu près 10 jours, donc forcément le live c'est le lendemain, le 20 juin à 22h30. On sera sur Google Hangout comme depuis quelques podcasts. On vous donne rendez-vous donc pour ce podcast. Vous pouvez nous écouter sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur iTunes. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes et comme ça vous recevez automatiquement les nouvelles émissions quand elles sortent. C'est plus pratique peut-être pour vous, pour ceux qui nous écoutent sur des produits Apple. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles émissions et suivez-nous forcément sur Facebook et Twitter, @RasseuseRadio, et sur Facebook, Rasseuse Radio, entre parenthèses, parlons catch. À bientôt, messieurs. À bientôt. Salut à tous. Moi, j'ai croisé Ro Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit, hey, coach, écoute Rasseuse Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi, fais-le aussi. Écoute Rasseuse Radio.